الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ceci est le premier épisode de la réfutation d'un prédicateur égaré dénommé Islam ben Ahmed. Et avant d'entamer cette critique, cette mise en garde contre cet individu, et avant de commencer ce conseil aux musulmans qui l'écoutent ou qui peuvent encourir le danger gravissime d'écouter une telle personne, je rappelle certains points. Le premier est que réfuter les gens d'égarement est un fondement dans l'islam. Cela a plusieurs preuves dans le livre et dans la sunna. 2. Humilier les gens qui appellent aux égarements afin de défendre le tawhid et la sunna. Les humilier est légitime et il relève même du jihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, par conséquent, quand je le décrirai par certains qualificatifs qu'il mérite bien et dont j'ai des preuves, cela ne relève pas de l'insulte gratuite ou interdite, mais ceci est une caractérisation, une qualification d'un criminel. Et par Allah, cet homme est un grand criminel vis-à-vis de la croyance des gens de la sunna et du groupe, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Vis-à-vis de la sunna elle-même, vis-à-vis des adorations, vis-à-vis des jugements, légiférer et j'en passe. Et décrire et portraiturer les criminels afin d'être à l'abri de leurs maux et de leurs méfaits est permis et même recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Ainsi détaillons-nous les versets, et pour que le sentier des criminels te soit clair, ô Muhammad, ô Muhammad. Et dans une autre lecture, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et pour que le sentier des criminels soit clair. Et avant d'entrer dans les grandes lignes de cette critique, j'ai décidé de commencer rapidement par un petit commentaire concernant l'apparence dans laquelle cette personne se présente et qui n'a rien à voir avec l'apparence d'un prêcheur ou d'un homme droit. Mais c'est plutôt une apparence qui n'a rien à envier à celle de beaucoup de joueurs ou de chanteurs ou d'acteurs de cinéma et autres. Et il se rase la barbe, ou presque, et ceci est illicite, ceci est haram, la yajouz, puisque les hadiths ordonnant de laisser la barbe pousser sont nombreux. Et l'ordre, dans Usul Fiqh, et l'ordre signifie l'obligation. Islam ben Ahmed, s'il avait ouvert un petit livre dans Usul Fiqh, il va trouver cette qaïda. L'ordre signifie l'obligation, sauf si on a une qarina, un indice qui montre que cet ordre ne signifie pas l'obligation. Or, ici, dans les hadiths concernant la barbe, que lui, il se rase, les hadiths sont clairs, ils sont explicites et ils signifient l'ordre. Et lui, il se permet cette chose. Et il s'habille de façon à attirer l'attention. Et ceci s'appelle libas al-shohra, vêtement ou habit de célébrité. Cela s'appelle libas al-shohra en terminologie légiférée de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Après cette remarque concernant le maintien et l'apparence de cette personne, nous annonçons maintenant quelques axes qui permettent de situer son égarement. Ceci, ces égarements, parce que c'est au pluriel, ceci porte sur la croyance, al-aqidah, Il porte aussi sur la voie, la méthodologie, al-manhaj. Et il porte aussi sur certaines adorations, ibadat, et sur le cheminement ou le comportement à adopter, al-suluk. Mais je vais centrer sur les deux premiers, c'est-à-dire la croyance et la voie. Dans mes réfutations contre lui, je vais centrer sur ces deux choses pour leur grande importance et gravité, sans oublier pour autant les autres, incha'Allah ta'ala. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à mener ce travail jusqu'à son terme, avec justice, et je l'implore, subhanahu wa ta'ala, d'en faire profiter mes frères. Après cela, on en vient à sa croyance, et c'est celle d'un Ash'ari Kullabi. Et on en vient à sa voix, et c'est celle d'un Ash'ari Kullabi Sufi. Écoutons certaines de ses paroles d'égarement sur lesquelles porteront cette première critique. Sinon, la Ash'ariya, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, même si cela choque des gens, mais c'est pas grave. Ala kulli hal. Donc, le fait de dire que l'Ash'ariya suivait Al-Kullabiya, pour moi, c'est considéré comme des lois, c'est mashallah. Et moi, j'aimerais bien, et je demande à Allah Ta'ala pour que je meure Kullabi. Car Al-Kullabi, tout simplement, il représente la religion islamique transmise par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En commentaire de ces paroles, ainsi que de beaucoup d'autres que j'ai relevées, en écoutant très peu de documents pourtant de lui, je dis, il y a dans ce qu'il appelle des cours, il y a un terme qui revient, et ce terme est manipulation. J'ai remarqué qu'il commence beaucoup de ce qu'il appelle des cours, ou bien il les finit en disant, on était manipulé, on nous a manipulé, telle dawa qui se propage dans telle région du monde. Pour parler de la da'wah des gens de la sunna, il dit « telle da'wah nous a manipulés ». Et c'est une rengaine chez lui. L'auditeur ou le spectateur même, puisque Ben Ahmed se permet de se faire filmer, faisant fi du jugement de la photographie en islam. Il se fait filmer pour attirer les gens, pour attirer les abonnés. Wallah al-musta'an. L'auditeur Satan, en entendant ce mot, manipulation, l'auditeur s'attend à une démystification donc, à un démasquage, à un dévoilement, d'un complot. Or, en fait et en réalité, Ben Ahmed recourt à cette ruse afin de manipuler. C'est un manipulateur qui se joue de la religion des gens et surtout de leurs croyances. Et nous allons justement dévoiler, bi-idnillahi ta'ala, avec la volonté d'Allah, nous allons dévoiler certaines de ces manipulations dans cette série. Nous allons dévoiler certaines de ces manipulations. Et nous allons le dévoiler au monde comme un égaré qui appelle à un égarement qu'ils n'ont pourtant voix de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est faux d'appeler cela la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est ta voix d'égarement et non pas celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, nous allons dévoiler, bi-idnillahi ta'ala, certaines de ces manipulations, car elles sont nombreuses. Mais nous allons en dévoiler certaines, ainsi que certains de ces mensonges et ruses contre la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et contre les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'il se permet d'insulter. Il se permet d'insulter Cheikh al-Islam, Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah. Et il se permet d'insulter Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et il dénigre l'imam Ahmed. Et il prétend que l'imam Ahmed se serait rendu à cette voie à laquelle lui il appelle. La voix kullabit, wallahu al-musta'an, l'imam Ahmed, se rend à la voix kullabit, ça, c'est parmi les grands mensonges qu'on a pu écouter dans l'histoire de l'humanité. C'est parmi les grands mensonges. L'imam Ahmed se rend à la voix, Kulli habite égaré, Allahu Akbar, l'imam de Ahl Sunna wal Jama'a, Wallahu al-Musta'an. Donc parmi ces grandes manipulations, c'est qu'il expose aux gens les croyances des sectes Ash'arites, Kullabites et Maturidites. Il les présente comme étant des croyances de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit de façon éhontée, sans ciller de l'œil, et il dit sans vergogne, sans avoir honte, il dit ceci, Al-Ash'ariyatu, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si cela choque des hommes, et c'est pas grave. Voici sa citation. Al-Ash'ariya, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si cela choque des hommes, et c'est pas grave. Je dis, in lam tastahi fasna' ma shi't. Oui, certes, Ahl al-Sunna wal Jama'a sont choqués de ton propos. Ils sont choqués du fait que tu imputes au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette voix d'égarement, cette voix kullabite égarée, cette croyance égarée kullabite, tu l'imputes au prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi, Ben Ahmed, il dit aussi, al-kullabiyya tout simplement représente la religion transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Fin de citation. Allahu Akbar. Allahu al-Musta'an. Allahu al-Musta'an. Et cette idée, ce mensonge, cette manipulation de Islam Ben Ahmed est ce qu'il s'acharne à défendre dans ses cours par beaucoup de mensonges, par beaucoup d'amalgames, par beaucoup d'ambiguïté qu'il ramène depuis les livres de la secte égarée Ash'arite Kullabite. Et pour dénoncer cette manipulation de ce grand manipulateur, de ce grand menteur, nous allons procéder de façon à montrer deux choses que nous voulons qu'elles deviennent claires chez notre récepteur et chez notre auditeur. La première chose à laquelle nous allons procéder à ces deux choses en fait concomitamment, en même temps, définir plus ou moins al-kullabiyya et al-ash'ariyya, montrer quelle est cette voie kullabite qui s'appelle injustement, nous allons montrer qu'elle s'appelle injustement voie ash'arite, alors que al-ash'ari il s'est repenti. La première chose consiste à définir cette voie kullabite qui se fait appeler ash'ariyya. La deuxième chose, c'est de montrer quelle est vraiment la croyance de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, relativement au nom et aux attributs, afin de montrer l'égarement flagrant et manifeste et évident de la voie kullabite. Et dans tout cela, nous espérons argumenter selon la voie du livre et de la sunna, c'est ce que nous voulons. Argumenter selon la voie du livre et de la sunna et des pieux prédécesseurs. Car la preuve se trouve dans Allah dit, son messager dit, les salafs ont dit, ceci est la vérité, ceci est la voie. Donc je commence par ceci. Al-Ash'ariyatu est la croyance qu'on fait appeler du nom de Abul Hassan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Alors qu'en réalité, cette croyance remonte à Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Al-Ash'ari s'est désavoué de cette croyance d'Ibn Kullab. Il l'a délaissé derrière son dos. Al-Ash'ari rahimahullah a délaissé cette croyance derrière son dos. Et il a embrassé la croyance de Ahl al-Sunna wal-Jama'a. Il a embrassé la voie de Ahl al-Sunna wal-Jama'a. Mais pour deux raisons au moins, Mais pour deux raisons au moins, Al-Kullabiyya fut baptisé Ash'ariya. Pour ces deux raisons au moins. La première, c'est la lignée noble de Abu al-Hassan al-Ash'ari qui remonte au compagnon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Ceci fait qu'on préféra l'appeler Ash'ariya et non pas Kullabiyya. Ceci est la première raison pour laquelle cette appellation s'est faite Ash'ariya et non pas Kullabiyya. La deuxième raison, c'est l'ascendant. L'ascendant et l'érudition qui ont et l'érudition de Abi al-Hassan, de Abi al-Hassan al-Ash'ari, de l'imam al-Ash'ari rahimahullah. L'ascendant et l'érudition de al-Ash'ari qui ont fait légèrement oublier son maître Ibn Kullab et imputer la voie à al-Ash'ari, même si al-Ash'ari s'est repenti de cette voie. Mais à la vérité et pour être juste, on ne doit pas imputer cette croyance à al-Ash'ari, cette mauvaise croyance, cette croyance égarée, cette croyance basée sur al-Ta'til et sur al-Tahrif qu'ils appellent al-Ta'wil. Cette croyance, il est injuste de l'imputer à al-Ash'ari puisqu'il l'a renié et l'a désavoué en quatre de ses écrits au moins, en quatre de ses écrits célèbres et connus et qui nous sont parvenus. Al-Ibana an usul al-Diyana, voici le livre majestueux où il a montré son retour à la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et où il fait l'éloge de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Alors que Ben Ahmed, il dénigre l'imam Ahmed. Wallahu al-musta'an. Donc les écrits où l'Ash'ari signala, Abu al-Hassan al-Ash'ari signala son retour, c'est Al-Ibana an usul al-Diyana. Le deuxième, Maqalatu al-Islamiyin wa ikhtilafu al-Musallin. Le troisième, Al-Mujaz. Le quatrième, Risalatun ila Ahli al-Faghr. En effet, Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah est passé par trois phases. La première phase, 40 ans dans al-I'tizal, dans la voie des Mu'tazilites. 40 ans dans al-I'tizal, la croyance des Mu'tazilites, croyance qu'il avait reçue de son beau-père, Abi Ali al-Jubai. La deuxième phase, dans la vie de Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah. Ensuite, il divergea avec son maître Al-Jubai, entre autres, sur une question bien connue, qui est celle de savoir, est-ce qu'Allah doit récompenser l'obéissant et punir le désobéissant? Al-Ash'ari rahimahullah, Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah, avait déclaré l'avis juste, et qui est de dire que personne n'impose à Allah. On ne dit pas yajibu ala Allah. Quand Al-Ash'ari quitta Al-Jubai, le Mu'tazilite Al-Jubai, Abu al-Hassan rahimahullah va répliquer au Mu'tazilite et il côtoya Ibn Kullab. Il va côtoyer Ibn Kullab et il prend sa voix. Il prend la voix de Ibn Kullab comme il fut déjà souligné. La troisième phase, et elle est importante dans la vie de Abu al-Hassan al-Ash'ari, de l'imam al-Ash'ari, rahimahullah. La troisième, où il désavoua cette dernière voix, la voix d'Ibn Kullab, qui est égarée aussi, la voix d'Ibn Kullab. Il la désavoua comme il avait désavoué celle des Mu'tazilites. Et il rallie la voix de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Il déclare dans le préambule de Al-Ibana qu'il est sur la voie de l'imam de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. La ruse et la manipulation, le mensonge de Ben Ahmed, et sa ruse et la manipulation de Ben Ahmed, réside dans le fait de vouloir passer la deuxième phase de l'Ash'ari, la phase de Al-Kullabiyya, comme étant la dernière. Il veut passer la voie de Ibn Kulayb, de l'Kulabiyya, comme étant la dernière phase de l'imam al-Ash'ari. C'est injuste à l'égard de l'Ash'ari lui-même qui s'est repenti de cette voie et de cette croyance. Et donc, tout compte fait, nous allons voir ce que tu dis comme croyance et nous allons les mesurer à l'angle du livre et de la sunna. Nous allons les mesurer sur Al-Qur'an et la sunna et nous allons voir est-ce que c'est une voie juste, c'est celle qu'Allah ordonne dans son noble livre et dans la sunna de son messager et selon la voie des pieux prédécesseurs, ou bien est-ce que c'est une voie égarée. Wallahu al-musta'an. Mais l'imputer à l'Ash'ari est faux aussi. On doit déclarer cela donc pour innocenter cet imam parce qu'il s'est repenti. Et les imams de Ahl al-Sunnah al-Jama'a ont reconnu cela, qu'il s'est repenti de la voie de Al-Kullabiyya. Nous disons d'abord à ce grand ignorant que nous avons été ordonnés de suivre le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas de suivre un autre. Et non pas de suivre un autre. Tu veux imposer à la Umma une autre personne et dire voici la croyance. La croyance c'est celle de Muhammad alayhi wa sallam. Nous suivons la croyance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivons la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a été ordonné à la Umma et non pas d'un autre homme. Que ce soit Al-Ash'ari ou un autre. On n'a pas été ordonné de suivre l'Ash'ari dans le livre d'Allah. Quand est-ce qu'est né l'Ash'ari? Quand est-ce qu'est venu l'Ash'ari, rahimahullah? Quand est-ce qu'il est né? Et quand est-ce qu'il est décédé? Hein? Donc, est-ce que la Umma doit suivre l'Ash'ari? La Umma doit suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous venons maintenant à un point crucial et qui consiste à poser la question suivante. En quoi la croyance Al-Kullabiyya, et qui fut nommée malheureusement Ash'ariya, en quoi la voie Al-Kullabiyya n'est pas une croyance de Ahl al-Sunnah al-Jama'a? Nous allons montrer cette chose. Et moins encore, la croyance de Ahl al-Sunnah al-Jama'a. En quoi est-ce qu'elle ne fait pas, cette voie Kullabiyya, en quoi est-ce qu'elle ne fait pas partie de la voie de Ahl al-Sunnah al-Jama'a? Et moins encore, d'être la croyance de Ahl al-Sunnah al-Jama'a. Ceci est la question. Ceci est la question. Dans la réponse à cette question, en montrant quelques écarts et égarements de Al-Kullabiyya, qui fut baptisé Ash'ariya, il y a certaines croyances que nous avons déjà trouvées chez cet homme très égaré, Ben Ahmed, et par Allah, ce sont des croyances fausses et nulles et non avenues. Mais nous avons préféré illustrer par d'autres exemples de Al-Kullabiyya et de Al-Ash'ariya. Parce que lui-même ne connaît pas bien Al-Ash'ariya et Al-Kullabiyya, lui-même Ben Ahmed. Il ne connaît pas bien Al-Ash'ariya. Et je vais le montrer, bi-idhnillahi ta'ala, que ce soit dans ce document ou dans d'autres. Il ne connaît pas lui-même, il ne connaît pas l'Ash'ariya. Et je vais vous donner maintenant un exemple pour ne pas oublier cette chose. Parmi les choses qu'il dit, c'est qu'il affirme al-yadayn. Alors que l'Ash'ariya, à vrai dire, l'Ash'ariya, il n'affirme pas al-yadayn lillahi subhanahu wa ta'ala. Comme le font Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ahl-Sunnah wal-Jama'a affirme à Allah subhanahu wa ta'ala, yadayni taliqani bihi subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas comment sont ces deux mains, mais on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala deux mains. Mais lorsque Ben Ahmed il n'a pas pu déclarer cette croyance de At-Ta'til concernant les mains, il a dit on affirme les mains, mais on ne leur donne pas un sens. Ah voilà l'égarement. Et à quoi ça sert que tu affirmes les deux mains si tu n'as pas de sens à donner au terme main? Au terme main, si tu ne lui donnes pas un sens, à quoi ça sert de l'affirmer? À quoi ça sert de l'affirmer? À quoi ça sert de l'affirmer? Et tu tombes dans beaucoup de contradictions. À quoi ça sert de l'affirmer? D'affirmer la lettre, d'affirmer le mot, alors que tu dis que le mot est les makhlouq. Alors que tu dis que la lettre de Al-Qur'an al-Karim, elle est créée. Wallah musta'an, tu tombes dans beaucoup de contradictions. Tu tombes dans beaucoup de contradictions. Donc je disais, il y a certaines croyances que nous avons déjà trouvées chez cet homme. Et par Allah, ce sont des croyances fausses et nulles et égarées. Mais nous avons préféré illustrer par d'autres exemples encore de Al-Kullabiyya et Al-Ash'ariyya pour montrer cette voie de Al-Kullabiyya et Al-Ash'ariyya sans nécessairement les avoir écoutés chez Ibn Ahmed, car nous ne l'avons pas beaucoup écouté. Il est ennuyeux, on ne peut pas écouter un égaré, on ne peut pas beaucoup écouter un égaré, on ne peut pas. Un musulman ne doit pas écouter ce genre de personnes, ne doit pas beaucoup écouter ces gens. Donc on se contente de deux ou de trois cours ou quatre, on relève deux ou trois erreurs, et ça y est, lorsqu'on montre que c'est un égaré dans la croyance, ça finit. Il doit se repentir, et non pas qu'on va l'écouter longuement. C'est difficile d'écouter un égaré. C'est très difficile pour notre foi et pour notre cœur. Car nous ne l'avons pas beaucoup écouté. Et car il n'est pas le seul Ash'ari égaré dans ce monde. Il n'est pas le seul Ash'ari. C'est pourquoi nous allons répliquer à Al-Ash'ariya en général, à Al-Kullabiyya en général, et non pas seulement à Ibn Ahmed. Wallah al-Musta'an. Voici un résumé de quelques déviances et de quelques égarements des Ash'ari. Le premier point. Dans le chapitre de la foi, ils sont Murji'a. Dans le chapitre de la foi, ils sont Murji'a. Et ceci se trouve chez Ibn Ahmed. Pour eux, Al-Iman et At-Tasdiq. La foi pour eux, c'est de reconnaître. C'est la reconnaissance. C'est de reconnaître. Al-Iman, il consiste à reconnaître. Et les actions pour eux ne rentrent pas dans la foi. Les actions, et Islam Ibn Ahmed déclare cela. Et il est fier de déclarer cet égarement. Wallah al-Musta'an. Il déclare que Al-A'mal ne font pas partie de Al-Iman. Or, voici deux arguments que nous allons dire qui sont évidents et qui sont clairs. Allah, dans son noble livre, Allah subhanahu wa ta'ala, a qualifié la salat, qui est un amal, qui relève des actions, un amal, qui est faite de paroles et de gestes. Hein, c'est des paroles et des actions. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié la salat, il l'a qualifié de iman. Dans la partie du verset où il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ dans la sourate de Al-Baqarah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Ici, dans ce contexte, c'est salatakum. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ. Il a appelé à salat, il l'a appelé iman. Alors que Islam ben Ahmed considère que Al-A'mal ne font pas partie de Al-Iman. Ah, et qui sont extérieurs à Al-Iman. Wallah al-Musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit la foi comme étant quelques 70 branches, la plus haute étant de dire la ilaha illallah, la moindre est d'écarter du chemin les choses qui nuisent aux musulmans, imatatul adha an al-tariq. Et il a affirmé aussi que la pudeur est une branche de la foi. Al-Shahid, l'argument qui nous concerne ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité imatatul adha an al-tariq, qui est une action, imatatul adha an al-tariq, le fait d'écarter quelque chose du chemin des gens. Imatatul adha an al-tariq, c'est une action. Le prophète, il l'a introduit dans ce hadith où il définit la foi. Il est en train de définir la foi. Il a donné un exemple de Al-Qawl, un exemple du cœur, et il a donné un exemple de Al-Amal. De Al-Amal. Écarter les choses nuisibles du chemin des gens. Cette action, il l'a considérée comme une branche de la foi, de Al-Iman. Alors que les Ash'arites, et Ibn Ahmed rentre dans cette croyance, les Ash'arites sont Murji'a dans le chapitre de la foi, car ils ne considèrent pas que Al-Amal fasse partie de Al-Iman, de la foi. Un deuxième point des déviances des Ash'ari'a dans leur croyance, parmi les égarements de Al-Kullabiyya, qui se font injustement appeler Al-Ash'ari. Parmi leurs égarements, voici en arabe: La yuthbitouna li af'alillahi illatan wa la hikmatan wal 'iyadu billah. Ils considèrent que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala seraient dénués de cause et de sagesse. Ils considèrent que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah amma yaqulu al-zalimoun, ils considèrent que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala seraient dénués de cause et de sagesse. Et parmi aussi leurs points d'égarement, la yuthbitouna as-sifat al-fi'liyah, ils n'attestent pas pour Allah les attributs des actes comme al-nuzul et comme al-maji'. Ils procèdent par al-ta'til, la négation, et par al-tahrif, la falsification. Et ils appellent cela, ce tahrif, cette falsification, ils lui donnent un bon nom pour qu'elle soit acceptable, parce que les gens aiment ce nom, et qui est al-ta'wil, interprétation, à faire travailler la raison pour dégager quelque chose qui n'est pas manifeste dans les textes. Ils lui donnent cela. Il l'interprète par al-ta'wil, aller vers un deuxième sens qui n'est pas évident, qui n'est pas clair dans le texte. Ils considèrent que ceci est leur acte, alors que leur acte c'est al-tahrif, c'est la falsification, c'est de fausser les textes, c'est de fausser les textes, comme nous allons voir avec Ben Ahmed, où il va même aller à nier l'attribut de Ar-Rahma. Il nie l'attribut de Ar-Rahma. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun. Ben Ahmed ne veut pas qualifier Allah subhanahu wa ta'ala par Ar-Rahma. Par Ar-Rahma. Ta'ala Allah. Nous disons que Ar-Rahma, la créature a une Rahma qui est à sa dimension. Taliqu biha. La créature, nous les hommes par exemple, on a Ar-Rahma. Rahma taliqu bina en tant que créature faible. Et Ar-Rahma de Allah subhanahu wa ta'ala taliqu bihi, taliqu bi jalalihi. Taliqu bi jalalihi. Lorsqu'on ouvre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ben Ahmed va nier d'abord cet attribut. La première chose dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Donc il procède par la négation. Il faut bien comprendre ces concepts pour comprendre la manigance et la manipulation de Islam Ben Ahmed. Il procède par al-ta'til. Ils vont dire on ne va pas donner un sens à l'attribut. Ils vont figer l'attribut et ne pas lui donner un sens. Ils vont le nier. Ils vont nier l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils procèdent par al-tahrif. Et par al-tahrif qu'ils appellent par le terme de interprétation ta'wil, afin de vider les versets et les hadiths, afin de les vider de leur sens. Les versets qui témoignent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vider de leur sens, les figer et ne leur donner aucun sens. Et c'est la bid'a de at-tafwid aussi, tafwid al-ma'na. Il dit, nous on ne va donner aucun sens. Pourquoi ne pas donner un sens? Allah Azza wa Jalla nous a donné ses attributs, il nous a informé sur son être et sur son essence pour qu'on l'adore, pour qu'on le vénère par ses attributs, pour qu'on lui demande nos requêtes et donc ce dont nous avons besoin au moyen de ces attributs. Wallahu al-musta'an. Et parmi les traits d'égarement aussi de Al-Kullabiyya, c'est que ceux d'entre eux qui sont venus après Abil Ma'al al-Juwayni rahimahullah, renient l'élévation d'Allah par son essence sur ses créatures. Ankaru uluwallahi bidatihi ala khalqih. Il renie l'attribut de al-ulu, l'élévation, attribut que les gens de la sunna ont affirmé par plus de 1000 délils, 1000 arguments, et eux, ils viennent le renier pour voir pour que vous imaginez à quel point la passion s'empare de ces gens. Un attribut attesté dans le livre et la sunna, et que les gens de la sunna ont affirmé par plus de mille arguments, mille textes et mille arguments, et eux, ils viennent le renier. Wallah al-musta'an. Ils n'attestent parmi les attributs, aussi parmi leurs traits d'égarement, ils n'attestent parmi les attributs dits de sens, les attributs de sens, sifat al-ma'ani, ils n'en attestent que sept. Ils ne les attestent que par la raison, non pas par les textes, et ils les attestent à leur manière, distincte de celle des gens de la sunna et du groupe. Donc là, il y a trois catastrophes déjà. Trois catastrophes dans ce point. C'est qu'ils n'attestent parmi les attributs de sens que sept, et c'est qu'ils ne les attestent que par la raison, non pas par la révélation, non pas par le texte. Et troisième chose, ils les attestent à leur guise et à leur manière, à leur façon de voir, suivant leur hawa, leur passion, leur manière de voir, distincte de celle de Sabil al-Mu'minin, le sentier des croyants qui ont suivi ce qui est attesté dans le livre et la sunna et la voie de As-Salaf al-Salih. Al-Kullabiyya la yuthbituna illa sab'a min sifati al-ma'ani. ويثبتونها عن طريق العقل لا عن طريق النص ويثبتونها على طريقتهم هم التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة. Et parmi les traits aussi, et ils sont nombreux, nous résumons ici, wallah al-musta'an, et chacun de ces points mérite vraiment beaucoup de détails. Et parmi les traits aussi, c'est qu'il explique l'attestation la ilaha illallah par le monothéisme de seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, comme avait fait Al-Baqillani. Et c'est attesté dans le livre des Asha'ira, qui est le livre intitulé Usul al-Din de Al-Baghdadi. C'est attesté que Al-Baqillani explique l'attestation la ilaha illallah par le monothéisme de seigneurie. Voilà où mène l'égarement. Ne pas comprendre même l'attestation de la foi la ilaha illallah, Allahul Musta'an. Et aussi parmi les traits où ils ont divergé par rapport à la voie des croyants et à la voie de al-mu'minin, des salaf salih, parmi les traits, c'est leur position face à la question de kalam Allah, la parole d'Allah. Leur position, les kullabites, les asha'ira kullabites, leur position est qu'ils rejoignent la position du Khalq al-Qur'an. Ils rejoignent cette position du Khalq al-Qur'an, cette bid'a du Khalq al-Qur'an, qui fut une cause de l'épreuve de l'imam de Ahl al-Sunnah, l'imam Ahmed. Khalq al-Qur'an, cette bid'a du Khalq al-Qur'an, que la parole d'Allah serait créée, Wallah al-Musta'an, comme l'avait déclaré Al-Fakhr al-Razi, avant de se repentir, il l'avait déclaré. Al-Fakhr al-Razi, qui était parmi leurs derniers imams et qui s'était repenti, walhamdulillah, il avait témoigné que ceci fait partie de leur croyance, les Ash'arites, et Ben Ahmed dit cela et il considère que cette question n'a pas d'importance. Ah, Allah al-Musta'an. Il considère que cette question n'a pas d'importance de dire al-lafd, de dire que al-lafd serait créé, n'est pas. Vous rejoignez la même position que les chrétiens lorsqu'ils ont dit à propos de Jésus qu'il est mi-divin, mi-humain, mi-dieu, mi-homme. Vous rejoignez la même chose lorsque vous dites que le sens du Coran vient d'Allah et que la lettre est ibara an kalamillah, ou vous dites hikaya an kalamillah, et ça c'est faux. Al-Qur'an Karim kalamullah takallama bihi Allah haqiqatan, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé et l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, l'a entendu et il l'a transmis à Muhammad alayhi salam, et Muhammad alayhi salam l'a transmis à la umma. Al-Qur'an Karim takallama bihi Allah haqiqatan kalamullah ghayru makhluq. Al-Qur'an Karim kalamullah ghayru makhluq. Wa Allah azza wa jalla yatakallamu bi sawtin wa harf. comme les imams l'ont montré. Les imams de la Sunna, comme l'imam Ahmed et ceux qui sont venus après lui, ils ont montré que voici la bonne croyance. Allah Azza wa Jalla l'a dit, wa kallama Allahu Musa taklima, wa kallamahu Rabbu. À maintes reprises, hatta yasma'a kalam Allah. Et Allah Azza wa Jalla, il parle quand il veut. Et la parole, c'est un attribut qui est de perfection. Et celui qui ne parle pas, il est caractérisé comme ayant un manque. Comme ayant un manque. Comment donc oser dire cela? Comment oser dire cela? C'est parce que les Ash'arites, ou bien les Kullabites, et les Mu'tazilites avant eux, et les Jahmis avant tout cela, ils sont tombés dans quoi? Ils sont tombés dans At-Tashbih. Ils sont tombés dans At-Tashbih. Ensuite, ils ont renié cela. Ils ont commis At-Ta'til. Et pour sortir, ils ont commis aussi At-Tahrif. At-Tahrif des textes. Ils ont commis At-Tahrif. Wallah al-Musta'an. Aussi, parmi leurs traits d'égarement des Kullabites, c'est, je dis d'abord cela en arabe, « يتوسعون في الكرامات ويجعلون كرامة النبي ممكنة للولي » Il s'étale sur la question des karamats. C'est pourquoi un peu ils sont proches des soufis et ils n'ont pas de problème avec le soufisme égaré. Ils n'ont pas de problème. Et lui-même, il se dit même soufi. Cet homme, Islam ibn Ahmad, il se dit soufi. Donc, il n'a pas honte de se dire soufi. Est-ce que le prophète était soufi? Le prophète, alayhi salam, il est venu avec la sunna. Il faut suivre le prophète, il faut suivre Salaf Salih. Donc ces gens, ils s'étalent dans la question des karamats, des miracles des prophètes, et ils rendent le miracle du prophète comme étant possible pour Al-Wali. Ils rendent l'allié capable aussi de recevoir des miracles comme ceux du prophète. Wallahu al-musta'an. Et parmi leurs règles d'égarement, et je résume pour ne pas faire très long, vraiment, il y a beaucoup de choses, et les imams, ils ont répliqué à ces choses, et ils ont détaillé. Et ces choses, donc, pour la référence, je me suis appuyé sur le livre de l'érudit savant Mohamed Aman ben Ali Jami, rahimahullah, docteur Mohamed Aman Jami, rahimahullah. Surtout, je me suis basé sur cette référence, ainsi que sur d'autres références de lui, telles que Tariq al-Aqidat al-Islamiyya, l'Aqidat al-Islamiyya ou Tariqwa, ainsi que d'autres épîtres et petits livres. Mais il y a beaucoup de choses, vraiment, concernant cette croyance égarée, parce qu'elle a beaucoup de points de divergence par rapport à la voie de Al-Sunnah. Donc je disais que parmi les règles d'égarement, aussi, c'est cela, تقديم العقل على النقل بحيث يجعلون العقل هو الأصل والنص تبعا له. Ils font prévaloir la raison sur le texte révélé, de sorte que pour eux, la raison est la base. La raison, c'est la base. Avant le texte sacré. Regardez l'égarement. Ils font prévaloir la raison sur le texte révélé, de sorte que pour eux, la raison est la base, le point de départ, et le texte dépend d'elle. Le texte dépend de cette voie où il y a la raison d'abord. Il y a la raison d'abord, et non pas le texte révélé, et non pas le texte sacré, et non pas le texte révélé, et non pas le wahi. Wallah al-musta'an. D'où leur confusion et contradiction. C'est pourquoi ils sont tombés dans beaucoup de contradictions. On va adopter la raison de qui? La raison, d'accord, mais la raison de qui? De Al-Ash'ari ou de Al-Kullabi? Elles sont différentes. De qui? De Al-Baqillani ou d'un autre? De qui? La raison de qui? La raison de quel homme? Et pour un même homme, sa raison, elle évolue. Et sa raison, elle évolue. Et comment donc mettre la raison comme une source pour détenir ses croyances, alors que ses croyances relèvent de l'ordre de l'invisible, des choses qui nous ont été révélées. On ne peut pas connaître tous les attributs rien que par la raison. On ne peut pas connaître tous les attributs. Eux, ils ont posé d'abord la raison comme source. C'est la raison qui est la base et le texte, il vient en deuxième position. D'où leur confusion et contradiction. Et on revient à la raison de qui parmi eux, hein? Et la raison d'un même homme, est-ce qu'elle est stable? Est-ce que l'homme il a une même raison? Est-ce que donc durant toute sa vie il aura les mêmes idées et la même conception des choses? La raison elle évolue, elle n'est pas stable. Alors que ce qui est stable c'est le wahi. Le wahi d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Et parmi leurs règles erronées aussi, c'est qu'ils ne prennent pas en considération les hadiths de l'Ahad. Ceci aussi, c'est grave. Ils n'acceptent pas les hadiths de l'Ahad dans la croyance. Ceci aussi est parmi les points par lesquels ils ont commis beaucoup d'erreurs de ne pas attester des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour eux, ce qui apparaît des textes aussi parmi leurs règles fausses, pour eux, ce qui apparaît des textes, le texte sacré, ce qui apparaît des textes, des noms et attributs, c'est un tashbih. Regardez comment ils qualifient les textes. Et on va montrer le texte de l'un parmi eux qui va dire cette chose. Ce qui apparaît des textes sacrés, c'est un tashbih. Et ils ont considéré que cette apparence est kufr. Ce qui apparaît des textes de l'islam, le Coran ou le Sunna, ce qui apparaît des textes des attributs, c'est le kufr. Wallah al-musta'an. Regardez cette calamité. Regardez cette calamité et cet égarement. Peut-être qu'il n'y a pas un égarement plus que cela, que de voir en la parole d'Allah Azza wa Jal qu'elle induit en erreur et que les textes ont été révélés pour montrer d'abord le kufr, pour montrer la mécréance. Que donc ce qui apparaît des textes des attributs, pour eux c'est tashbih. Et ils ont considéré que cette apparence est kufr. Wal'iyadu billah. Ceci relève de leur témérité face à la révélation, d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur témérité. Le tashbih ou l'anthropomorphisme, le tashbih est dans leur esprit faible. Le tashbih, il est dans leur esprit faible. Alors que les croyants, ils n'ont pas trouvé dans les textes de tashbih. Ils n'ont pas vu un tashbih. Allah Azza wa Jalla, laisse kamithlihi shay. L'attribut, lorsqu'on le prend, rahmatullah, laisse ka rahmati l'ibad, yitarahamuna, baynahum, fima baynahum. L'attribut, si on va le rapporter à la créature, il s'y est à la créature, cet attribut. Et si on le rapporte à Allah subhanahu wa ta'ala, on croit en cet attribut, et on ne connaît pas son comment, mais on croit en l'attribut qu'Allah azza wa jal, il a une rahma. Il a une puissance. Il est qawi, il est tout puissant. Il a al-ilm, il a al-sama', il a al-basar. Ainsi que dans les attributs, sifat al-af'al, tel que An-Nuzul, et ainsi de suite, et on croit en ce qui nous a été révélé. On croit en ce qui nous a été révélé. Alors que eux, ils ont dit que les textes des attributs, ils ont une apparence de kufr, wal-iyadu billah, et ceci, comme j'ai dit, relève de leur audace et de leur témérité face à la révélation dans les textes, et le tashbih, et dans leur esprit faible, et non pas dans les textes, le tashbih. Et de penser la sifa, la tribu, comme ce qui se trouve chez la créature. Or, les croyants, ils n'ont pas pensé à cela. Les croyants, lorsque donc le prophète alayhi sallam informé d'un attribut, il disait c'est kama yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu billahi azza wa jalla, comme il sied à Allah. C'est pas donc l'attribut, on va le penser comme ceux des êtres humains. Non. Donc eux, ils sont tombés dans ce tashbih, c'est qu'il les a induits vers at-ta'til, figer le texte et ne pas lui donner ce sens. Et après, ils ont essayé de commettre at-tafwid, alors qu'ils qualifient Ahl-Sunnah comme étant mujassima. Ahl-Sunnah, ils ont cru en les textes, ils ont cru en leur sens. Le Coran, il a été révélée en langue arabe. On l'a reçue, on l'a compris, on a compris les sens des attributs, et c'est parmi les choses qui relèvent de la croyance. Qui relèvent de la croyance. Comment on va donc nous poser des questions sur ces choses? Ceci montre qu'ils sont incapables. Ils sont incapables de penser la sifa autrement que comme celle de l'être humain. Ceci montre qu'ils sont incapables de penser l'attribut autrement que comme l'attribut des créatures. C'est ce que Ben Ahmed fait avec la sifa de Ar-Rahma. C'est ce qu'il fait par exemple avec la sifa de Ar-Rahma. Il est incapable de dire Allah Azza wa Jal a une Rahma taliqoubi. Elle s'y est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme notre Rahma. C'est pas donc dans n'importe quel attribut, c'est pas comme notre attribut. Allah Azza wa Jal a donné une règle. Il a donné une règle. Laysa kamithlihi shay. Wa la yuhituna bihi ilma. Wa lam yakun lahu kufuan ahad. Laysa kamithlihi shay. Il a dit la yuhituna bihi ilma. Il a dit hal ta'lamu lahu samiya. Ceci c'est une règle, ça rappelle une règle, c'est que les attributs lorsque ils sont reliés à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque c'est Allah qui est désigné par l'attribut, c'est comme il s'y est à Allah. Et lorsque l'attribut il est relié à la créature, c'est comme il s'y est à la créature. La même chose pour les attributs que les êtres humains ils ont. Lorsque donc on rattache l'attribut, par exemple, de la main à l'être humain, c'est une main qui est celle de l'être humain. Et lorsqu'on dit la main, par exemple, de la fourmi, c'est une main qui est celle de la fourmi. Et ainsi de suite pour les autres créatures. Donc là, il n'y a pas de shabah, il n'y a pas de ressemblance. Mais al-mutlaq al-kulli, c'est-à-dire le terme main, il a un sens, il a un sens. Il ne s'agit pas de faire ta'til, de dire on ne va pas lui attribuer un sens. Il a un sens. L'attribut, il a un sens et il s'agit d'attester ce sens et de ne pas le nier, de ne pas commettre ta'til et de critiquer les autres, de dire vous faites tajsim. Non, on ne fait pas tajsim. On n'a pas fait tajsim. On a accepté l'attribut tel que Allah Azza wa Jal nous a informé de cet attribut, et on l'adore par cet attribut, on le vénère par cet attribut, on le vénère par cet attribut. Donc ceci montre qu'ils sont incapables de penser la sifa autrement, et c'est ce que Ben Ahmed fait à propos de l'attribut de Ar-Rahma. Il tombe dans ce tashbih, et pour le fuir, il commet une deuxième faute qui est at-ta'til, la négation, le fait de figer le texte, de ne pas lui donner le sens. Et l'un parmi leurs chefs, voici ce que j'ai dit tout à l'heure, l'un de leurs chefs dans cet égarement manifeste, l'un de leurs chefs qui est as-Sanoussi, voilà ce qu'il leur recommandait. Il a dit wa kullu nassin awham at-tashbiha أوله أو فوض ورم تنزيها وكل نص أوهم التشبيه. Est-ce que les textes ils donnent le wahm? Est-ce que les textes sacrés ils ont été descendus sur le prophète et révélés à la umma pour donc les induire en erreur, pour les induire en at-tashbih, les induire en erreur? أوله, qu'est-ce qu'il recommande? Interprète-le, c'est-à-dire awwilhu, interprète-le. Mais en réalité, c'est at-tahrif. At-tahrif. Awwilhu aw fawwid. At-tafwid. Ils ont commis at-tafwid de al-ma'ani. Qui est faux. Qui est une bid'a. Bid'at al-mufawwida. Awwilhu aw fawwid warum tanzihan. Ça, c'est pas at-tanzih. Ça, c'est at-ta'til. Ça, c'est at-ta'til et non pas at-tanzih. Voici ce qu'ils pensent des textes. Les textes des noms et attributs. Voilà ce qu'il pense des textes d'Allah subhanahu wa ta'ala révélés à ses serviteurs. Il pense que les textes induisent en erreur. Wallah al-musta'an. Et voici comment ils les ont falsifiés en prétendant les interpréter. Et voilà comment ils optent pour at-tafwid. Pour at-tafwid de al-ma'ani. Qui est une bid'a. Qui s'ajoute à leur caisse de bid'a. Ils ont commis at-tafwid consistant à ne pas donner de sens, à ne pas donner de sens au texte, à ne pas donner de sens au texte. Ahlus Sunnah wal Jama'a font le tafwid du comment. Ahlus Sunnah wal Jama'a font le tafwid du comment. Car le comment ne nous a pas été révélé. Le comment ne nous a pas été révélé. Donc on ne peut pas le connaître. On ne peut pas connaître ce qui ne nous a pas été révélé. Donc ça c'est un monde invisible, on ne le connaît pas. Ça n'a pas été révélé. Nous on croit en le sens et on fait at-tafwid du comment. Et non pas at-tafwid de al-ma'na que vous faites en figeant les textes, en ne pas leur donner un sens et procédant ainsi. Vous videz les textes de leur sens et vous videz votre adoration de son sens. Vous videz l'adoration des gens de leur sens. Et Allah al-musta'an, et c'est grave. Ça c'est très grave. L'imam Ahmad, l'imam Malik, rahimahullah, l'un des imams de Ahl Sunnah al-Jama'a aussi, il a dit, والكيف مجهول. Nous méconnaissons le kayf, le comment. On le méconnaît. Mais le sens, il est ma'loum. Alors, comme il a dit, Al-Istiwa'u ma'loum. Il est connu. Al-Istiwa, l'établissement sur le trône, il est connu. Lorsque un homme l'avait interrogé, كيف استوى, comment il s'est établi, comment Allah s'est établi, l'imam Malik, rahimahullah, il a transpiré et après il a donné cette réponse qui a été gardée et transcrite et qui est profonde, qui a un enseignement profond. Il a dit Al-Istiwa au ma'loum, ou Al-Kayfu majhoul. Al-Istiwa ma'loum, on le connaît, c'est connu, c'est connu. Les salafs, ils n'ont pas réagi face à ces textes, ils ont reçu, c'est connu. Les Ahl Sunnah wal Jama'a, ils reçoivent ces textes, c'est connu leur sens, il est connu. C'est comme on va voir dans l'une des paroles, on ne peut mieux expliquer que donc lorsqu'on dit Allah Azza wa Jal, lahu yadan. Qu'est-ce qu'on va expliquer davantage? Allah Azza wa Jal, lahu yadan italiqani bih. Qu'est-ce qu'on va expliquer davantage? C'est clair. Lahu yadan. Allah Azza wa Jal, il a deux mains. Il a deux mains qui sont comme il se doit à notre Seigneur. Donc là, qu'est-ce qu'on va ajouter de plus? C'est connu. Il a dit Al-Istiwa'u ma'loum. Ou Al-Kayfu majhoul. Voilà le tafouid de Ahl Sunnah. Ou Al-Kayfu majhoul. Ou Al-Iman bihi wajib. Al-Iman bil-Istiwa wajib. Al-Iman bihad les attributs, c'est une obligation. Croire en ces attributs est une obligation. Al-Iman bihi wajib. Ou Al-Su'alu anhu bid'a. Susciter des questions relativement à cela, amener des soubouhats ou des ambiguïtés, bid'a. Ça relève déjà de la bid'a, de poser la question. C'est une bid'a. Comme a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il en résulte qu'il y a un tafouïd concernant le comment, et là, c'est ce que font Ahl Sunnah al-Jama'a, ils disent Al-Kayfu Majhoul, on fait tafouïd concernant le comment, alors que le tafouïd qui porte sur le sens, là c'est une bid'a, là c'est une innovation, et c'est parmi les bid'a' et les innovations des Kullabites, et c'est parmi les bid'a' de Ben Ahmed. Je préfère l'appeler Ben Ahmed tout court pour ne pas dire les bid'a' de Islam, parce que déjà dans son nom il y a aussi un problème de dire que Islam est égaré, que dire Islam est absent, que dire Islam est malade. Ça c'est faux. Donc déjà dans ce nom aussi il y a un problème. Donc je préfère me contenter de l'appeler Ben Ahmed. De l'appeler Ben Ahmed, et vous avez connu de qui je parle et que c'est un égaré. Donc après avoir rappelé quelques traits par lesquels c'est signalé la voie Ash'aris, Kullabit, donc les traits de son égarement, on rappelle rapidement ce que disent Ahl Sunnah wal Jama'a concernant les attributs, leur règle générale concernant les attributs. Quant à la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunnah wal Jama'a, ils attestent et affirment à Allah les noms et attributs qu'il s'est attestés pour lui-même dans son humble livre, ainsi que les attributs que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui avait attesté dans la sunna. Donc ils affirment ces attributs. Ahl Sunnah al-Jama'a, ils affirment les attributs qui sont attestés dans le livre et dans la sunna. Il y croit. Il croit en ses attributs. Il croit en leur sens. Il croit que Allah Azza wa Jal, il a par exemple l'attribut de Al-Ulu, l'attribut des deux mains, l'attribut des deux yeux, et comme il sied à notre Seigneur, non pas comme ceux de la créature. Il atteste aussi l'attribut de Al-Ulu, comme j'ai dit. Al-Ulu, c'est-à-dire l'élévation, ainsi que Al-Istiwa' ala al-Arsh, l'établissement sur le trône. Donc il a été cité dans le Coran, nous on y croit et on croit en son sens, et on remet seulement le comment à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on atteste à Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs et tous les attributs qui se trouvent dans le livre et dans la sunna, et qui ont été reçus par as-salaf as-salih bil-qaboul, par l'acceptation, non pas par at-tahrif, comme font ces égarés. Voilà, et parmi ces attributs aussi, dans lesquels les Mu'tazilites et après eux, les Ash'arites ont chicané, ils ont rejeté Al-Nuzul, et comme on a dit, les deux mains, et Al-Aynan, et Al-Yadan, les deux mains, et Al-Sam'u wal-Basar, on atteste à Allah subhanahu wa ta'ala Al-Sam'u wal-Basar, on atteste à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de Ar-Rahma, on atteste à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de Al-Haya, la pudeur. On atteste à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de Al-Ghadab, comme il est dit Allah subhanahu wa ta'ala. On atteste à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de Al-Kalam, la parole, car nous pensons que donc ceux qui vont nier tous les attributs, ils sont en train d'adorer le néant. Et on atteste aussi à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de Al-Kalam et de Al-Maji, et ainsi de suite. Tout ce qui a été attesté dans le livre et la sunna, les sources des musulmans, nous on y croit, on croit en ces attributs. Et parmi les règles des gens de la sunna, parmi leurs règles, c'est qu'ils disent que Al-Kalamu ala sifat, far'un an il-kalami ala dhat, yahdou hadwa. Et ils disent aussi Al-Kalamu fi ba'di sifat, Al-Kalami fil ba'd al-akhar. Donc je vais un peu traduire ces deux paroles des gens de la sunna. Al-Kalamu ala sifati far'un ala al-Kalami ala al-Dhat, yahzu hadwa. Comme on atteste ce qui concerne l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va attester les attributs de al-Dhat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons affirmé une essence à notre Seigneur, il a des attributs. Il a des attributs. Car celui qui n'a pas des attributs est le néant. Et les Jahmites adorent le néant. Les Jahmites, par exemple, ils adorent le néant. Et les Ash'arites, ils ont une partie de ce ta'til. Et ils ont une partie de cette phrase. Eux, ils ont fait ta'til partiellement. Ils ont fait ta'til de beaucoup d'attributs. Et voilà, comme nous avons affirmé une essence à notre Seigneur, il a des attributs, car ce qui n'a pas d'attributs est le néant. Et les kullabis ont une part de la négation. Et aussi concernant l'autre parole, Al-Kalamu fi ba'di sifati, comme nous avons attesté l'attribut de l'existence, on atteste l'attribut de la parole. Et donc les uns, ils ont été affirmés dans le Coran. Pourquoi on va dissocier? On a accepté donc l'attribut de l'existence. On a accepté l'attribut, par exemple, de al-ilm, de la science. Allah Azza wa Jal, il est l'omniscient. Il sait tout. Comme on a attesté cet attribut, on atteste les autres. On atteste ce qui a été révélé dans le livre. On ne dissocie pas. Al-kalamu fi ba'd al-sifat, kal-kalami fi ba'd al-akhar. Nous traitons les attributs de la même façon et non pas qu'on va nier certains et accepter à contre-cœur, accepter certains à sa manière et accepter certains à sa manière. Non, ça c'est pas la voie de Salaf Saleh. C'était pas la voie de Salaf Saleh. Salaf Saleh même, donc ces textes, ils n'ont pas posé des questions concernant ces textes. C'était des choses évidentes et claires. Et clair, et c'est ce qui doit se faire pour le croyant. Pour le croyant. Même donc les gens de la masse, les gens donc qui ont la foi, donc dans la nature première, lorsqu'on leur dit Allah est sur le trône, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, ils disent oui, donc ils acceptent. Et lorsqu'ils veulent faire dua, ils se dirigent par le regard et par les mains, ils se dirigent vers le ciel. Et ils ne disent pas, comme font les Ash'arites, que Allah est partout. Ils ne dirigent pas leurs mains dans une autre direction que celle du ciel. ونعتقد معاني الصفات كما يليق بالله سبحانه وتعالى. Nous croyons au sens de ses attributs comme il sied à notre Seigneur. كما يليق بجلاله. Nous croyons au sens de ses attributs. Comme disaient nos salafs, أمروها كما جاءت بلا كيف. Acceptez-les. Faites-les passer comme ils sont attestés dans la révélation. أمروها كما جاءت. Acceptez-les. Elles sont claires. Il n'y a pas plus clair que cela. Et on va voir une parole foudroyante de l'un des imams qui est retourné de la voie Ash'aris. Il a dit que je n'ai pas trouvé un chemin plus court que celui de Al-Qur'an Al-Karim. On ne peut plus expliquer autre chose. Lorsque Allah Azza wa Jalla, il vous dit, Kallam Allahu Musa takliman. Qu'est-ce que vous voulez davantage? Allah Azza wa Jalla, il a l'attribut de la parole. Et dans beaucoup d'autres versets. Et Allah Azza wa Jalla dit, Qala, dans le livre, il s'adresse à ses messagers et il s'adresse à Adam, par exemple, et il s'adresse au diable. Il lui a adressé la parole. Il lui a adressé la parole. Et donc, celui-là, et tous les autres Ash'arites, ils viennent contester cela. Ils viennent contester cela. Ils viennent contester cela parce que ils n'ont pas suivi la voie de As-Salaf As-Salih. Les Salaf, ils ont dit Amirruha kama ja'at bila kayf. Acceptez-les. Faites-les passer comme ils sont attestés, ces attributs. Faites-les passer et acceptez-les comme ils sont attestés dans la révélation. Et nous nous n'avons pas donc de connaissance concernant le comment. Bila kayf ici, bila kayf. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de kayf, qu'elles n'ont pas de comment. Elles ont un comment, mais que notre Seigneur connaît. Mais nous, on ne connaît pas ce kayf, on ne connaît pas ce comment. Amirruha kama ja'at bila kayf. Nous, on ne connaît pas le comment, mais il y a un comment. Mais il y a un comment. Alors que concernant le sens, nous on connaît déjà le sens. On connaît le sens de la parole. On connaît le sens de parler. Et lorsque Allah il dit Kallam Allahu Musa takliman, Allah a parlé à Moïse par une parole. Donc là, il n'y a plus rien à expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer aux gens qui ont le bon sens. Donc là, je vais passer maintenant à un point qui est celui de quelques imams de la voie Kullabite et Ash'arite qui sont retournés. Parmi les imams ayant désavoué la bid'a Kullabiyya et Ash'ariya, il y a d'abord bien sûr Abul Hassan al-Ash'ari, comme on a vu, qui composa 4 écrits attestant de son retour et attestant de sa tawbah et son repentir, et où il montre la voie à suivre, parce que Allah Azza wa Jalla, il a exigé dans son livre que celui qui revient, qui se repent d'une bid'a, il doit faire 3 choses. Tabou à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslahou, ils ont corrigé ce qu'ils ont pu corriger. Wa aslahou, wa bayyanou, ils ont montré ce qui doit être clarifié. Et Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah, nahsabuhu kadhalik, wallahu hasibuna wa hasibuh, nahsabuhu kadhalik, il a écrit, il n'a pas épargné d'efforts pour montrer la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, comme on va voir peut-être. Donc aussi dans les épisodes prochains, si Allah facilite. Donc Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et puis aussi parmi ceux qui sont revenus à la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Abu Muhammad al-Juwayni, c'est-à-dire al-Juwayni al-Ab, qui composa une risala, une épître montrant son retour Et l'épître s'intitule Risalatun fi ithbat al-istiwa wal-fawqiyya wa mas'alat al-harf wal-sawt. Voilà ce qui dérange Ben Ahmed et les autres. Risalatun fi ithbat mada fi ithbat al-istiwa, l'établissement sur le trône, fi ithbat al-istiwa wal-fawqiyya, que Allah ce qui lui sied c'est l'élévation. C'est l'élévation qu'il est sur ces créatures. ومسألت في إثبات الاستواء والفوقية ومسألت الحرف والصوت. Qu'Allah parle par une lettre et par un son. Jibril alayhi salam, il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومسألت الحرف والصوت في القرآن المجيد وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل والكيفية. أي الغفوت لا لشبهات دي أشاعرة وأوتر concernant donc الله سبحانه وتعالى الباري جل وعلا. Donc là Abu Muhammad al-Juwayni après son retour il a composé cet épître et cet épître il nous est parvenu et Cheikh Muhammad Amin al-Jami il l'a mis dans les annexes de sa thèse de doctorat d'état rahimallahu l'imam Juwayni wal imam al-Jami rahimallahu ta'ala. Aussi parmi ceux qui sont revenus il y a imam al-Haramayn Abu al-Ma'ali al-Juwayni, c'est-à-dire al-Juwayni al-Ibn, le fils de cet imam Abu Muhammad. Maintenant c'est Abu al-Ma'ali al-Juwayni al-Ibn, le fils. Il composa son livre immense intitulé Al-Ghayafi, où il recommande la voie des salafs. Où il recommande quoi? La voie des salafs. Après son repentir et son retour, il va recommander la voie des salafs. Et il composa un grand volume. Un grand volume qui s'appelle Al-Ghayafi. Il est considéré, cet imam, Al-Juwayni Al-Ibn, il est considéré comme un grand érudit de la science. Ah, cet érudit, il s'est repenti. Et les ignorants ne veulent pas se repentir. Wallah al-Musta'an. Il a dit avoir lu 50 000 fois 50 000 écrits. 50 000 fois 50 000 livres. 50 000 fois 50 000. Il a dit avoir lu 50 000 fois 50 000. قرأت 50 ألفا في 50 ألف. قرأت 50 ألفا في 50 ألف. سبحان الله. Après quoi il s'est repenti et interdit à ses amis de s'adonner à la science de Al-Kalam ou à l'ignorance de Al-Kalam. Il a interdit à ses amis, voici le bon conseiller, il a conseillé à ses amis de ne pas donner dans Ilm Al-Kalam. Il dit, Rahimahullah, Ya Ashabana, la tashtaghilu bi'ilm Al-Kalam. فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ من شغلت به. Il a dit, oh nos amis, ne vous occupez pas de la science de Al-Kalam. Si je savais qu'il ferait de moi ce qu'il fit, je ne m'en serais pas occupé. Voilà ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala. Et parmi ceux aussi qui sont revenus, il y a Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Et lorsqu'il est retourné à la voie de Al-Sunnah, il a composé Il-Jam al-Awam an ilm al-Kalam. Il écrit ce livre Il-Jam al-Awam an ilm al-Kalam, brider la masse pour ne pas donner dans la science de Al-Kalam. Brider la masse, brider la masse. Et aussi Abu al-Fath al-Shahrastani parmi ceux qui sont revenus à la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Abu al-Fath al-Shahrastani, après sa tauba et après son regret, il écrit lui aussi, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? Nihayatul Iqdam fi ilm al-Kalam, la fin de l'élan ou la fin de l'engouement pour la science de Al-Kalam, la fin. Il recommande d'arrêter cette fitna. Il commande d'arrêter cette bid'a. C'est lui qui avait dit ces deux vers. La amri laqad tuftu al-ma'ahid kullaha وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. Il jure d'avoir visité tous les instituts. الرحلة في طلب العلم. Il a visité tous les instituts, les avoir examinés et observés. Et il dit qu'il n'avait trouvé dans ces instituts que des gens dans l'embarras et dans le remords, dans le regret. Et parmi ceux qui sont revenus aussi, il y a Abu Abdillah Fakhruddin al-Razi. Il s'est repenti et il a écrit pour montrer son repentir, rahimahullah. Il a écrit dans ce sens pour montrer le retour. Et parmi ses paroles où il décrit l'état lamentable des gens de Al-Kalam et leur indécision et leur tourment et hésitation, parmi ses paroles, quand il est revenu, parmi ses paroles qui furent consignées dans ses écrits, il y a ces deux vers. Il a dit: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Oui, voici qui met le doigt sur le mal profond, sur la souffrance de ces gens, sur la souffrance atroce et pénible. Voici ce qui met le doigt pour indiquer ces âmes tourmentées, châtiées, indécises, éprouvant un malaise par rapport à leur corps, à cause de quoi? À cause de ilm al-kalam. Il a dit: wa arwahuna fi wahshatin min jusumina وحاصل دنيانا أدن ووبال. Il décrit cette souffrance, cet homme instruit qui va faire ce témoignage après son retour. Et donc il a attesté de ce malaise des âmes par rapport au corps, les âmes qui s'adonnent à ilm al-kalam, que Ibn Ahmed maintenant il recommande à des pauvres, à des étrangers qui n'ont même pas l'arabe. Qu'est-ce qu'ils vont profiter à ilm kalam? Qu'est-ce qu'ils vont profiter dans cette croyance égarée? Et qu'est-ce qu'ils vont profiter? Voici des érudits qui reviennent alors que cette personne, cet ignorant de Ben Ahmed, appelle les gens, surtout des étrangers. Il les invite à ce terrain de tous les doutes. Oui, c'est un terrain de tous les doutes, de tous les soupçons, imaginables et inimaginables. Qu'on peut imaginer déjà, on va dire qu'on va rencontrer telle shubha et telle ambiguïté, et il y a aussi des choses qu'Allah Azza wa Jal sait. Nous les invitons, quant à nous, nous les invitons à ce qu'a indiqué Al-Fakhr al-Razi lui-même, après sa tawba, après son retour, quand il dit: لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةِ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةِ فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ثم قال الفخر الرازي إلى دي ثم قال في حسرة وندامة ومن جرب مثل تجربتي عرف معرفتي. Oui, celui qui a expérimenté avec science, non pas avec ignorance. Il ne peut rien connaître, celui qui va expérimenter, mais avec l'ignorance. Alors que celui-là, il avait des outils, il avait une connaissance, il a souffert, et après la souffrance, il est retourné à la voie de Ahle Sunnah wal Jama'a. Wallahu a'lam. Il dit, rahimahullah, j'ai observé les méthodes de Al-Kalam. Laqad ta'ammaltu. Donc là, il est sorti le terme, au lieu de dire ta'ammaltu, j'ai dit ta'allamtu. J'ai souffert, et c'est vrai, et c'est vrai. Il a dit, لقد تأملت الطرق الكلامية. J'ai observé les méthodes de الكلام. والمناهج الفلسفية. Et les raisonnements ou les méthodologies philosophiques. Je ne trouve pas qu'il étanche la soif, ni qu'il guérisse le malade. Je ne trouve pas qu'il étanche la soif. فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. Je trouve que le chemin le plus court est la méthode de Al-Qur'an. Regardez, regardez la foi, regardez l'iman de ces gens. Il a dit, je trouve que le chemin le plus court est la méthode de Al-Qur'an. وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطَّرُقِ أَخْسَرَ الطَّرُقِ. Le chemin le plus court pour connaître et pour savoir, c'est ce qu'a affirmé Al-Qur'an Al-Karim. Rien à ajouter. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce que vous allez ajouter lorsque Allah Azza wa Jalla a dit « Wa kallama Allahu Musa takliman » Donc là, c'est les gens qui sont entrés là pour falsifier ce verset. Vraiment, donc ils ne connaissent rien à l'arabe d'abord et ils ne connaissent pas comment il faut se comporter vis-à-vis des textes sacrés. Il a dit « Je trouve que le chemin le plus court est la méthode de Al-Qur'an. Lis en matière d'affirmation. Lis en matière d'affirmation. » الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الرحمن le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Ça c'est clair, si vous le dites à n'importe qui, il va accepter cela. Les awam de al-muslimin, ils acceptent cela sans se poser des questions. إليه يصعد الكلم الطيب وتلقاها السلف الصالح هذه الآيات بالقبول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لي en matière de négation ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأيضا ولا يحيطون به علما. Ensuite il souligna sa détresse et ce remords en disant et celui qui fait une expérience semblable à la mienne aura une connaissance comme la mienne. Il a dit, et celui qui fait une expérience comme la mienne, une expérience de douleur et de souffrance avec ces choses, avec ilm al-kalam, il va avoir une connaissance de cette douleur comme moi j'ai connu cette douleur. Et certes, le chemin le plus court est celui du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.